réapparaisse. Pour que ma mère réapparaisse. J'ai rêvé de disparaître pour que ma mère réapparaisse. Au dollar, j'ai rêvé de lui verser plus qu'une piscine au de lait. De Diabouna être le remède à l'écart de nos cités. J'ai rêvé de quoi l'évader, d'être plus qu'un éveillé. Monter affaire sur affaire, négro, jamais plié, blindé. Tu sais de quoi j'ai rêvé? Accomplir tous ces rêves. Être dans l'estime de mes aînés, riche que dans mes revêts. Ma famille pour me porter, situation stable, je suis posé. Donc plus question de boulder. T'es en boulet, je veux kiffer. Sans me soucier de ses dépenses, fils, c'est ainsi que je l'entends. Les franges, les dépenses, pense pour elle, même les yeux plissés. Et je suis peu ça comme je l'entends. Tiens, ce qui be worry dans. Ah, hey, j'ai oublié de t'expliquer, mec. Est-ce que tu connais le blé? Et s'il est pas dans mes pochers, dis-moi comment je veux faire pour posséder le sourire d'une belle que je compte posséder, plus poser sur des CD. Tiens, placer que poser ces versets, je les avais déjà rêvés. Doudou et maman en train de placer, pour en quand se va rêvasser. La main froide et Big Daz, Pablo Mani associé à l'équipe qui un free verbal associé. Je fais des rêves, boy, je crois que je m'imagine tout ce que tu crois. Ce que je vis, ce que je vois se transforme en rêve, le reçoit. Je fais des rêves, boy, même le jour ça m'arrive des fois. Je fais des rêves, boy, trop beau, faut que je les partage avec toi. Je fais des rêves, boy, je crois que je m'imagine tout ce que tu crois. Ce que je vis, ce que je vois se transforme en rêve, le reçoit. Je fais des rêves, boy, même le jour ça m'arrive des fois. Je fais des rêves, boy, dans la tête d'un rêveur, y'a pas que des fleurs, y'a pas de question de pleurs. C'est l'heure, ton heure, les choses sont exactement calculées comme une bombe. Et c'est quand et où tu décides qu'est-ce qui tombe. J'habite sur la mer, j'ai mon rêve, je fais ce que j'ai envie. Je pousse mon son à fond, pas d'ennui avec la police. Et même en pleine nuit, je fais des teufs le jour comme la nuit. Y'aurait pas besoin de sous car dans mon rêve tout le monde pèse, tout est gratuit. Plus que mort de la vie comme un fou, jusqu'au bout. Le pouvoir d'accéder jusqu'à vos rêves les plus fous. Si je peux y accéder comme sur ma feuille, mes mots s'enchaînent. Laisse mes mots, mon beat t'entraîne, voir autre chose que la haine. Je fais des rêves, boy, je crois je m'imagine tout ce que tu crois. Ce que je vis, ce que je vois se transforme en rêve, le reçoit. Je fais des rêves, boy, même le jour ça m'arrive des fois. Je fais des rêves, boy, trop beau, faut que je les partage avec toi. Tu sais c'est quoi mon rêve? Quoi? Hein? Avoir du wari plein les mains, qu'un jour je puisse dire oh Dieu merci pour demain. Tu sais c'est quoi mon rêve? Quoi? Avoir toujours le même refrain, vendre des millions d'albums, exploser le rap ricain. Tu sais c'est quoi mon rêve? Quoi? Ne plus avoir à me réveiller, matin petit déjeuner, rentrer tard fondé pour la remettre investir dans une villa aux deux plaies. Ne plus la voir souffrir et avoir la famille au complet. Ou c'est pire quand tu me dis que le rap c'est pas fait pour toi. Mais je fais des rêves, même le jour tu le sais ça m'arrive des fois. Et parfois je pense à toi en train de chercher le micro à froid. Normal boy, je crois j'imagine tout ce que tu crois. Et je crois, ouais qu'on semble un peu niqué comme à trois. Doudou, mam, papou, Renoir, il manque plus que toi. Le reçoit, c'est la balle. Avec mon pote Hannibal, vas-y pousse le son à fond, ouais vas-y lâche un freestyle. Je fais des rêves, boy, je crois je m'imagine tout ce que tu crois. Ce que je vis, ce que je vois se transforme en rêve, le reçoit. Je fais des rêves, boy, même le jour ça m'arrive des fois. Je fais des rêves, boy, trop beau, faut que je les partage avec toi. Je fais des rêves, boy, je crois je m'imagine tout ce que tu crois. Ce que je vis, ce que je vois se transforme en rêve, le reçoit. Je fais des rêves, boy, même le jour ça m'arrive des fois. Je fais des rêves, boy, trop beau, faut que je les partage avec toi.